Sentir, au sens d'éprouver quelque chose, de ressentir, se dit fühlen en allemand. Fühlen, fühlen. À vous? Fühlen. Oui, fühlen. F-U-Umlaut, H-L-E-N. Fühlen. Fühlen, c'est donc sentir, ressentir. Comment dira-t-on « nous sentons » ? Wir fühlen. Fühlen. On a un H après la voyelle U, donc c'est fühlen. C'est un U long. Fühlen. Encore une fois. Fühlen. Fühlen. C'est ça. Donc, ich fühle, c'est je sens. À vous. Ich fühle. Oui. Ich fühle. Et je le sens, ça donnera. Ich fühle es. Ich fühle es. Je ne le sens pas. Ich fühle es nicht. Nicht. Bien. Ich fühle es nicht. Et je ne peux pas le sentir. Ich kann es nicht fühlen. Ich kann es nicht fühlen. Donc, encore une fois, quand vous avez deux verbes, le second est à l'infinitif et placé à la fin. À moins que vous n'ayez une situation du type de celle introduite par weil. Dès qu'il y a deux verbes, le premier est ce que j'appelle un porte-manteau auquel va s'accrocher le deuxième verbe. Après ich kann, je peux, ich muss, je dois, ich will, je veux, ich möchte, j'aimerais, mais aussi après werden, ich werde, qui sert à exprimer le futur. Le verbe qui vient après ces verbes porte-manteaux est à l'infinitif, donc à la forme en n, en en. Alors, encore une fois, je ne peux pas le sentir se dira. Ich kann es nicht fühlen. Bien. Ich kann es nicht fühlen. Si vous voulez dire je me sens bien, en allemand vous direz je sens moi bien. Donc avec le me, moi, que nous avons employé dans « pour moi ». Für. Mich. Mich, oui, c'est ça. Alors comment diriez-vous « je me sens bien » ? Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Et « je me sens très bien aujourd'hui » ? Ich fühle mich. Bien. Ich fühle mich, je me sens très bien aujourd'hui. Sehr. Ich fühle mich sehr gut heute. Bien. Ich fühle mich sehr gut heute. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, se dira. Ich fühle nicht. Je ne me sens pas. Ich fühle. Ich fühle mich nicht sehr gut. Ich fühle mich nicht sehr gut. Aujourd'hui? Heute. Ich fühle mich nicht sehr gut heute. Encore une fois, je me sens, c'est ich fühle mich. Mot à mot, je sens moi. Pour nous nous sentons, il faudra utiliser le petit mot uns. Uns, qui veut aussi dire nous, comme le deuxième nous de nous nous sentons. D'ailleurs, pour nous nous sentons bien, l'allemand dit mot à mot nous sentons nous bien. Ce deuxième nous, c'est uns. Alors, comment direz-vous nous nous sentons bien? Wir. Wir fühlen uns gut. Wir fühlen uns gut. Pour « il se sent bien », on emploie « sich » après le verbe. « Sich » pour « il se sent bien ». Mais aussi pour « elle se sent bien ». Et « vous », le « vous » de politesse, « vous, vous sentez bien ». « Sich ». « Sich ». « Sich » qui s'écrit « s-i-c-h », c'est-à-dire que c'est comme le mot « ich » précédé du « s » de « sie », prononcé z. Sich. Essayez. Sich. Sich, c'est ça. Alors, comment diriez-vous « il se sent bien » Er. Er fühlt sich. Sich, oui. Sich, qui va vous servir pour dire à la fois « il se sent bien », « elle se sent bien », « vous », « vous que je vous vois », « vous sentez bien », et « il ou elle se sentent bien ». Et on retrouve aussi ce « sich » à l'infinitif, puisque « se sentir », c'est « sich fühlen ». C'est toujours « sich ». Alors, on reprend. « Il se sent bien ». Er fühlt sich gut. Er fühlt sich gut. Encore une fois, sentir se dit fühlen. Bien. Et si vous demandez à quelqu'un que vous vous voyez, le sentez-vous? Ça donnera fühlen Sie es? Bien. Fühlen Sie es? Mais si vous voulez demander à cette personne comment vous sentez-vous aujourd'hui? Là, il faut dire wie. Wie fühlen Sie sich heute? Bien. Wie fühlen Sie sich heute? Wie fühlen Sie sich heute? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Prenons maintenant le verbe laver. En allemand, laver se dit waschen. Waschen. La vache, il va falloir laver cette vache. Donc, waschen, c'est laver. Ça s'écrit W-A-S-C-H-E-N. Comment dit-on laver? Waschen. Bien, waschen. Et je lave cela? Ich wasche es. Bien, ich wasche es. Donc, que vous laviez une vache ou autre chose, vous direz « ich wasche es ». Mais si vous voulez dire « je me lave », alors ce sera « ich wasche mich ».« Ich wasche mich », du verbe « sich waschen », se laver. Ces verbes qui se construisent avec « se » en français et « sich » en allemand sont très nombreux. Par exemple, « se sentir »,« sich fühlen », ou encore se dépêcher, sich beeilen, beeilen. Beeilen, ça s'écrit B-2-E-I-L-E-N, beeilen. À vous? Beeilen. Oui, beeilen. Mais il s'agit d'un verbe réflexif qui renvoie à la personne, donc un verbe avec sich, sich beeilen. Sich beeilen. Sich beeilen. Oui, c'est donc se dépêcher. Alors, comment dira-t-on nous nous dépêchons? Wir. Wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Et je me dépêche? Ich. Ich beeile mich. Bien. Ich beeile mich. Ich beeile mich.